Crosby. Derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. Salut! That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson has scored for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont comme tirant le tour. Et le but! C'est long et c'est capté. Julian Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à Les Conduits de Partie, une émission qui vous parle de sport de partout à travers la planète. Hey! Et ce, même dans les Caraïbes. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Qui a encore mis un repeat? T'es tout seul proche de ton ordinateur. Non, c'est le gars d'hier, là. Ben oui, forcément. Hey! Eh oui, hey. Je suis tout à fait d'accord. Alors ce matin, l'émission, la voix que vous attendez, ben c'est la mienne, Nicolas Ducharme, votre autre. Et l'autre voix que vous attendiez, Philippe Doucet. Marc-Antoine n'est pas avec nous ce matin. Malheureusement, on va le remplacer aux nouvelles, notre newsman, notre gars de nouvelles. Alors ce matin, l'émission, on va parler des Patriotes de l'UQTR qui sont en série. On va parler aussi des dernières compétitions de l'équipe. On va parler avec Jonathan Bernier de Rue Frontenac en direct d'Edmonton, du match d'hier des Canadiens contre les Oilers d'Edmonton et de la classique hivernale qui va avoir lieu ce dimanche plutôt du côté de Calgary. On va parler aussi de ta chronique soccer. On n'a pas eu droit à une chronique soccer lundi, tu étais absent, donc on va avoir droit à une bonne chronique soccer aujourd'hui. On va parler de probablement hockey à Mauricie. On va parler, écoute, on va parler d'autres choses. On va peut-être s'attarder au cas encore cette semaine là, du Colisée de Québec et peut-être que Belle viendrait jouer dans les plates-bandes de Vidéotron, donc ça pourrait être drôle. Donc c'est ce qui est pas mal notre émission là, pour cette semaine. Alors on va y aller tout de suite, on perdra pas de temps, on va y aller avec les Patriotes hockey. Ils étaient en action mercredi, c'est le début de la série là du côté des Patriotes et on affronte les Stingers de Concordia. C'est pas nécessairement un test facile sur papier. Du côté des Patriotes, on est bien meilleur que les Stingers. Par contre, avec tous les blessés qu'il y a présentement là, du côté des Stingers, du côté des Patriots, ça va être beaucoup plus difficile à vaincre l'équipe de Montréal. Alors, j'y vais avec le sommaire du match de ce premier match. C'est une victoire. Non, je dirais pas le score premier, je garde la surprise. Alors, on domine vraiment du côté des Patriots. On a dominé deux périodes aisément. Les deux premières périodes, mais quand même, les Stingers sortent après la deuxième période, on avance de 2 à 1. Suite à début de Michael Blodden et Francis Langteau-Marcotte en deuxième période, celui des Patriotes est venu du bâton de Pierre-Alexandre Jonka. Jonka qui joue du très bon hockey là, présentement. Sixième match de suite là où Jonka s'inscrit à la marque, marque un point. C'est un but dans un sixième ou un point dans un sixième match? Un point dans un sixième, si je me trompe pas, je te donne ça. Écoute, du côté de Jonka, là, depuis qu'il a été jumelé avec Étienne Bellavance-Martin et Jean-Sébastien Breton, là, c'est un joueur transformé, puis on va en parler tantôt. Vois-tu, du côté de Jonka, on a des points dans... à vrai dire, non, il n'y a pas eu de points contre Ottawa. Donc, au dernier match de la saison, il n'a pas enregistré de points. Par contre, avant, il avait une série de 5 matchs de suite avec un point. Et là, dans ce match-là, encore été chercher un point. Donc, très content pour lui. Ça va bien, là, du côté de Jonka. En troisième période, donc c'est 2-1 après deux périodes. En troisième période, l'explosion, là, du côté des Patriotes. C'est Étienne Bellavance-Martin à 3 minutes 56. Des aides à Jonka et des îles. Ensuite, Félix Petit, son premier des séries. Donovan et Desjardins, une minute plus tard. En fin de troisième période, Olivier Donovan vient mettre le match hors d'atteinte des Stingers avec son premier, les aides à Petit et Desjardins. Et finalement, alors qu'il reste environ là, 2 minutes à la partie, Étienne Bellemans-Martin, son deuxième de du match, les aides à Jonka et Chabot Maltais. Donc les étoiles dans ce match, Pierre-Alexandre Jonka, Olivier Donovan et Étienne Bellemans-Martin. La troisième, on peut parler, écoute... C'est quand même drôle. Étienne Bellemans-Martin a ramassé 2 buts de passe. Jonka, 2 buts de passe. Leur coéquipier de trio, Jean-Sébastien Breton, lui, a pas réussi à aller chercher de points. Donc, c'est parti remise là, du côté de Breton. Pas mal sûr qu'il va vouloir pas contribué là, parce qu'on a contribué, mais s'inscrit à la marque, aller chercher sa part de points. Donc, Raphaël Dorsault, le gardien de but des Stingers, a eu dans ce match, a fait face à 36 tirs, plutôt a fait face à 36 tirs, a réussi 31 arrêts. Dorsault a semblé pogner les nerfs là, un peu après ses coéquipiers. Type de gardien n'a jamais été reconnu pour sa bonne attitude, peu importe le stade ou qui est passé. Le junior majeur, c'est un peu ça. Et vraiment, là, ça s'est vu en guirlandais, ses défenseurs. C'est pas ce qui construit un bon esprit d'équipe. Puis là, tu rentres en série, mais c'est des 2-3 là, du côté du hockey universitaire. Ça passe extrêmement rapidement. T'as pas le temps de l'échapper. Là. Prochain match demain à Concordia. Donc, vraiment, là, si, si on se ressaisit pas du côté de Concordia, ça pourrait être une série plutôt rapide. Il va être des séries plutôt rapides même, là, parce que ça va se terminer là, là de leur côté, si jamais on sort pas avec une grosse performance demain. Alors, on va aller écouter, allons écouter les commentaires de Jacques Laporte suite à ce match. Bon, Jacques Laporte, entraîneur-chef, voici ce que j'ai demandé à Jacques Laporte. Ça, t'avais hâte que ça explose, troisième. Parce qu'on avait quand même quelques... On vous donnait. On marquait, on vous donnait. Sauf que, tu sais, il n'y avait pas d'unité spéciale. Il n'y a pas eu de match. Il y a eu quoi? 3 punitions, 4 punitions entre la game avec la dernière. Là. Donc, c'est un rip où nous autres, les tabarouettes à 3 lignes, là, rapides, là, ça revenait vite. Là. Fait que, mais regarde, c'est là qu'on on a fait confiance au personnel qu'on avait. Puis ils l'ont bien rendu. C'est correct. Tout le monde a répondu en troisième en se ramenant à l'identité qu'on s'était donné. Il faut s'en tenir à ça, sinon on gagnera pas de match. Alors, c'était Jacques Laporte qui nous expliquait exactement l'identité. Là. On parlait d'identité, ça fait quelques semaines là, que j'en parle, qu'on est une équipe totalement différente du côté des Patriotes. Et ça s'est vu encore durant ce match-là. On bloque beaucoup de tirs, on joue avec 3 joueurs de moins. J'ai pris une photo là qu'on peut retrouver sur inconduitdeparti.com de ce que le banc des Patriotes avait l'air. Et il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace. Là, on est pas loin d'une ligne de garage là, quasiment. Là. Et heureusement, là, du côté des Patriotes, il devrait avoir des renforts pour le match demain. Lors du dernier match de la saison régulière qu'on a fait ensemble, c'est vendredi dernier. Samedi dernier. Les Patriotes, il y avait habillé 14 patineurs, là, 2 gardiens de but. Donc, évidemment, là, on avait des joueurs qui étaient surutilisés. Je pense, entre autres, à Robichaud et à Chicoine, qui ont joué tout un match en défensive, les deux, le samedi dernier, et qui ont été sur la glace assez souvent, merci. Oui, qui ont été beaucoup utilisés. Et même, là, dans ce match-là, on a vu le retour de Pierre-Luc Lessard. Lessard qui a mangé un tir, là, dans le dos. Crachait du sang lors de la dernière partie contre... L'avant-dernière partie plutôt contre Carlton, donc il était absent durant ce match-là. Allait faire un petit tour à l'hôpital également dans le coin de Carlton. Ouais, doit être le fun là, pour l'équipe au complet là, d'attendre un joueur à l'hôpital. Là. Donc je vous parle des joueurs qui vont revenir. Mais tout d'abord, on va aller écouter les commentaires de Pierre-Alexandre Jonca. Je lui ai demandé pourquoi Pierre-Alexandre, ça va aussi bien là, pour toi là, ces temps-ci? La confiance, elle a embarqué, puis là... Je continue, je vis avec ça, puis j'étais inspiré, puis mes coéquipiers de trio m'aident beaucoup là-dedans. Je pense encore une fois à Étienne, puis Jean-Sébastien m'ont aidé encore aujourd'hui, puis ça va super bien, il faut continuer comme ça. Jacques disait que t'es le type de joueur qui vraiment gagne son salaire en série. C'est-tu un endroit où justement tu te sens encore meilleur? Ben, moi, je vais pouvoir dire que les séries, c'est la deuxième saison, puis c'est là que c'est le fun de jouer, parce que t'as un challenge, c'est un gros challenge devant toi. Tu rencontres la même équipe plusieurs fois d'affilée, donc il y a un petit peu d'adversité, puis c'est là que c'est le fun de jouer, puis c'est là que c'est le fun de jouer physique, puis de compléter nos mises en échec, puis d'aller chercher une grosse victoire. On sort avec des sacs de glace un peu sur nous autres, mais on est satisfait de ce game-là. C'est passé quoi entre la deuxième et la troisième, que ce soit une équipe qui a enfin réussi à profiter de ses chances en troisième? Ben, on s'est parlé dans le blanc des yeux, les joueurs ensemble. Je pense qu'on s'est dit que c'est court, là, parce que c'est un 2-3. Tu perds la première game, tu fais face à l'élimination tout de suite après. Donc, on s'est parlé, on s'est dit de revenir à notre jeu de base, prendre des shots au net, puis arrêter de se compliquer la vie comme on l'a fait dans les 2 premières périodes. Puis on a envoyé des pucks au net, puis ça a payé. L'attitude est très bonne présentement là, dans la chambre des Patriotes, je te dirais. On a vraiment, comme Pierre-Alexandre a dit, on s'est parlé dans le blanc des yeux, on a une bonne communication. Les gars semblent tous pousser dans le même sens et je pense que c'est du positif pour les séries. Ouais, en effet, tout à fait. Du côté des Patriotes, là, vraiment, depuis quelques semaines, on en parle. Vraiment, on s'en va dans une bonne direction. Puis ce qui est encourageant, c'est que non seulement on va avoir des joueurs comme peut-être Francis Charlin qui va revenir, Alexandre Demers aussi qui reste dans l'entourage de l'équipe, là aussi, ça y fait. Sans nécessairement jouer. Je peux te confirmer. Confirmer ça, là, selon ce que Jacques Laporte nous a dit à la fin du dernier match. Je suis sûr que ça peut être évalué, là, tout dépendant. Mais on parle des retours d'Alexandre Demers, Francis Charlin, du défenseur Emmanuel Boudreau. Boudreau qui n'a pas joué depuis longtemps, ça va faire du bien. Qui sera à mesure d'enfiler le gilet orange et vert là, pour le deuxième match des séries, qui est demain, 14h, au Ed Meager Arena à Concordia, donc sur l'île de Montréal, là, bien sûr. Donc, ça va faire du bien, le retour. On pourra avoir un alignement plein, c'est-à-dire 20 joueurs là, pour ce match-là, mais quand même, là, ça va être difficile. Hey, une autre chose que j'ai remarqué durant ce match-là, les Patriots Soccer qui se sont pointés au match, ils avaient, écoute, assis totalement derrière le banc des Stingers. Fidèle à leur habitude. Oui, mais premièrement, ils étaient plus, mais flûte à bec à la main, xylophone, des flûtes de fête qui se déroulent, tu sais, pognon au Dolorama, et ils faisaient du bruit, mais on en était écœurés sur la galerie de presse. J'imagine même pas en arrière du banc des Stingers. Et même Jacques Laporte, et ça a dérangé certains joueurs des Patriots hockey. Mais du côté des joueurs de soccer, t'es très content. Et on me disait, Étienne Malavance-Martin me disait, nous, on était encouragés, les joueurs de soccer. Des fois, le dimanche, on s'en allait les encourager. Il dit, c'est le fun. On se rend là, pareil, là, du côté des deux équipes. Puis Étienne me dit, ça fait longtemps qu'on parle des équipes des Patriotes qui sont tous séparés, qu'il n'y a pas de coordination, mais il n'y a pas d'entre-gens, si je peux dire. Ça se parle pas beaucoup, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le fun. Et très content de voir que l'équipe de soccer sont venus extrêmement dérangés. Mais je parlais avec Kevin Fixby, qui est l'entraîneur des Stingers, puis qui nous a dit la chose suivante. Il dit, c'est le fun. J'ai demandé si ça te dérangeait. Il dit, non, il dit, c'est correct, c'est ça du hockey universitaire. Il dit, c'est juste plate qu'ils sont pas là à longueur de saison. Ouais, on sait qu'à Concordia, disons que l'ambiance est comme ça toute l'année durant. Mais ça serait intéressant, justement, de voir pour la suite des séries, là, est-ce que cet engouement-là qu'on va avoir va traîner la foule avec les pattes. Puis, si on est capable de faire encore plus de bruit, ben, tant mieux, je veux dire, pour une fois, là, que, ben, en fait, les pattes nous amènent toujours en série. Oui. Donc, peut-être cette année, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Écoute, avec le retour des blessés, la nouvelle attitude qu'on semble avoir enfin tous poussés du même côté, il y a des choses, ça pourrait être intéressant jusqu'en demi-finale. Je pense que ça va jouer contre McGill. Mais parlons-en de McGill, justement. Là, ils disputaient leur premier match des séries contre les GGs d'Ottawa. L'équipe qui est classée première contre l'équipe qui est classée huitième. On l'a emporté 2-1 du côté des Redmen, mais c'était extrêmement serré. À vrai dire, jusqu'en troisième période, c'était 1-0. En faveur des GGs. Ça a pris un but de Véropol à 7 minutes 20 et un but de Lompré-Poirier à 17 minutes 43 pour donner la victoire aux Redmen de McGill, qui ont tout de même été beaucoup plus actifs au niveau des tirs au but, au niveau de l'attaque. On est en zone offensive à longueur du match là, du côté des Redmen, 36-26 les tirs. Mais Harrison May a vraiment été le meilleur durant ce match-là. D'ailleurs, May s'est mérité la deuxième étoile. Lompré-Poirier, la première. Donc, c'était très serré. Et dans un autre match, je vous donne le pointage dans pas très long. Carlton, du côté de Carlton, on s'attend à ce que ce soit facile contre Toronto. Eh bien, Carlton ont perdu 2-1. Donc, tir de l'arrière dans leur série de 2-3. Donc, ça va être très court. La série commence à Toronto. Les deux prochains matchs sont à Carlton. Ça va les avantager un peu. Et on peut parler aussi de Nipissing contre Queens. Victoire facile de Nipissing, 7-0. Ça devrait être très court, cette série-là. En plus, ça commence à Queens. Donc, on s'en va à Nipissing là. Attendez-vous à ce que ça se termine. À deux matchs! Donc, c'est pas mal ce qui conclut là du côté du hockey. Le match, donc, samedi 19 février à 14h, c'est au Ed Meager Arena de Montréal. Et si nécessaire, il y aura un match dimanche, le 20 février à 20h au Colisée de Trois-Rivières. Donc, c'est ce qui va décider vraiment la série. Si c'est nécessaire, on espère du côté des Patriotes que ça ne le sera pas. Allez, je finis ça avec le top 10 masculin, dernier top 10 de la saison qui est sorti ce mardi. L'Université du Nouveau-Brunswick récolte la première position au final. McGill deuxième, Alberta troisième. Et l'UQTR a fait un retour intéressant en fin de peloton. Il se classe neuvième. Il se classe neuvième, eux qui n'étaient même pas classés la semaine d'avant. Donc, on va aller à la musique. On va aller écouter du extérieur avec la chanson Capanel. Et au retour, on continue à parler des Patriotes, particulièrement en natation, où est-ce qu'on a eu le championnat québécois. On est revenu avec des très bons résultats du côté de l'équipe féminine. Ben, des nageuses féminines. Il n'y avait pas d'hommes, donc nageuses féminines. Vous êtes à l'écoute de l'inconduit de partie sur C'est fou. N'oubliez pas de vous pouvez nous consulter, nous écrire au live à commercial@inconduitdepartie.com et notre site web blog inconduitdepartie.com. L'inconduite de partie. Extérieur avec Campanile et on continue avec le sport universitaire chez les Patriotes. Tout d'abord, on va parler de natation. C'était le championnat provincial au CEPSOM de l'Université de Montréal du côté de la natation et ça se déroulait samedi et dimanche dernier. Madame Caroline Lapierre-Lemain, qui était avec nous il y a environ deux semaines dans l'émission, a été phénoménale durant cette compétition. Tout d'abord, elle s'est méritée 3 médailles d'argent aux 50 mètres libres, aux 100 mètres libres et aux 200 mètres libres. Mais sa plus grande performance a été aux dames. Bien sûr, dames. Je sais pas pourquoi je spécifie le sexe. Ça, Caroline, ça sonne assez... m'étonnerait qu'elle course avec des Alain puis des Bob. Elle s'est méritée une médaille d'argent aux 50 mètres papillon, donc avec un temps de 27,67. Donc très bon, une médaille d'or, 3 médailles d'argent du côté de Lapierre Lemire. Du côté de Sarah-Ève Savard qui était aussi présente à la compétition, elle a obtenu son meilleur résultat, c'est-à-dire une 4e position au 100 mètres papillon. Je pense qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus de son côté, elle qui avait eu des bons résultats, des médailles cette année, mais tout de même c'est très bon. La patriote de la semaine, c'est sans surprise Caroline Lapierre Lemire, recrue de la formation de natation avec ses 4 médailles. Caroline va participer au championnat universitaire canadien à Calgary les 24, 25 et 26 février prochains. Et elle débute un baccalauréat en kinésiologie. La misère avec ce mot-là. Alors, on parle maintenant de volleyball. On sait, Philippe, tu te souviens que les Patriotes ont dominé le premier tournoi de la première saison de la Ligue de volleyball Division 2 du Québec, alors qu'ils avaient remporté leurs 3 premières rencontres en 3 sets consécutifs. On n'a pas perdu un set du côté des Patriotes. Bon, les protégés de l'entraîneur Claude Turcotte vont tenter de récidiver pour la deuxième compétition qui se déroule en fin de semaine au Saguenay à l'Université du Québec, à Chicoutimi, LUCAC. Vendredi, on joue contre les Citadines de l'UQAM. Samedi, on joue contre LUCAC, les Inuks. Et finalement, ça c'est le matin et l'après-midi, on affronte le Nordais de l'UQAM. Le Nordais, un vent marin. Tu te souviens pas, là? Oui, je me souviens. Je la trouve toujours bonne. Ouais. On avait quand même fait nos recherches. Écoute, on a fait des recherches, oui. On s'est donné dans ce... Alors qu'il reste environ une minute avant qu'on passe à la pause. Oui. J'ai parlé, j'étais au match des Patriotes mercredi dernier. Tu y étais. Et je me suis mis à discuter avec Bob Martin, qui est le journaliste du Nouvelliste qui couvre le hockey universitaire. Puis je posais des questions à propos de hockey parce que, je suis beaucoup plus jeune et je connais moins la Ligue un petit peu. L'historique de la Ligue, devrais-je dire, il me disait qu'il y avait déjà eu des équipes à l'Université Laval, tout ça, mais il m'a dit qu'il y avait une équipe à LUCAC. Et là m'est venu le flash de LUCAC, j'ai eu le flashback de l'ancien compte, la première saison. Puis à l'envers, il est retourné au sein de Chicoutimi et, il dispute un match contre une équipe, il est dans la Ligue américaine, il dispute un match dans la Ligue américaine. Mais j'ai eu le flash, le chandail, c'est les Inuks. Ah oui? LUCAC, c'est totalement le club local là, qui joue contre les Saints. Le logo était très beau, là. C'était comme un N viré sur le côté avec l'ancien compte à l'époque où Régent Tremblay avait de l'inspiration. Oui, et où il ne faisait pas que recopier les grands classiques de Disney. Oui, ou encore à l'époque où il était un peu moins déconnecté du monde sportif et ne pensait pas seulement à ses racines nationalistes et des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'on a ouvert une boîte. Ouais, t'es allé raide un peu, là. C'est pas comme si c'était vrai. Je pense que même lui, il va pouvoir dire que oui, en effet. Oui, effectivement. Hein? Mais je veux dire, bon. Pas pour rien qu'il est banni du bestiaire du Canadien, là. On se fait une pause au retour. Les nouvelles. Et ensuite, on parle avec Jonathan Bernier en direct d'Edmonton. On va parler du Canadien. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord dans la LHJMQ, l'éthique de Victoriaville amorce une série de 4 matchs à l'étranger en affrontant les Wildcats hier soir à Moncton. Leur voyage a donc commencé avec un gain de 7-1. David Onzik a effectué 27 arrêts pour aider les Tigres à l'emporter. À Lewiston, le junior de Montréal l'emporte 4-3 face aux Maniacs. Le junior tirait de l'arrière 3-1 à mi-chemin au second tiers avant de renverser la vapeur. Louis Leblanc a donné le ton alors que Nicolas Chouinard et Jérémy Gucci l'ont imité en déjouant le gardien André Makarov qui a fait face à 38 lancés. Du côté de Gatineau, les Olympiques l'emportent 2-1 sur le junior de Montréal. Jean-Gabriel Pageau a été le principal artisan du triomphe des Olympiques en marquant ses 28e et 29e buts de la saison et il a été nommé la première étoile de la partie. Au hockey de la Ligue nationale maintenant, le Canadien rendait visite aux Oilers d'Edmonton. Le tricolore a manqué de jambes en 3e période et a dû s'avouer vaincu par la marque de 4-1. Déjà privé de 4 défenseurs, le Canadien a dû aussi se passer des services de James Wisniewski qui a été heurté au visage par le lancer de Taylor Hall. acquis des Ducks d'Anaheim. La veille, Paul Maron n'était pas en uniforme puisqu'il n'avait pas reçu son équipement à temps pour le début du match. Avec la date limite des transactions qui approche à grands pas, on peut s'attendre à quelques mouvements de personnel d'ici la fin du mois. Après s'être départi de Paul Merrill, les Ducks d'Anaheim ont été de nouveau actifs hier en faisant l'acquisition de l'attaquant Yarko Ruutu des Sénateurs d'Ottawa, obtenant en retour un choix de sixième tour. Au football maintenant, les Alouettes ont conclu une entente de 3 ans avec le secondaire Ramon Guzman. Il a connu sa meilleure saison l'an dernier alors qu'il a été partant lors des 17 rencontres au cours desquelles il a réussi 27 plaqués défensifs ainsi que 2 sacs du corps. De leur côté, les Tiger Cats d'Hamilton ont mis 3 autres joueurs sous contrat en embauchant le secondaire Ronald Williams, le porteur de ballon Daryl Stephenson et le joueur de ligne offensive Wayne Smith. Au tennis maintenant, après avoir remporté l'Omnium de San Jose, Milos Raonic continue sur sa lancée. Après avoir vaincu le deuxième tête de série Fernando Verdasco au premier tour, le Canadien élimine le 65e joueur mondial Radek Stepanek au deuxième tour du tournoi de Memphis dans un palpitant duel de 3 manches, 6-4, 6-7 et 7-6. Il se mesurera ainsi à l'Américain Robert Kendrick. Et finalement, au sport universitaire, les Patriots hockey affrontent demain après-midi les Stingers de Concordia. Les Patriots pourraient mettre fin à la série en l'emportant. Eux qui ont eu le dessus 5-2 sur Concordia mercredi soir lors du premier match de la série. Si nécessaire, une partie ultime sera disputée dimanche au Colisée de Trois-Rivières à 20h. Voilà, c'était vos informations de l'inconduitedepartie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il se joint à nous en direct d'Edmonton. Monsieur Jonathan Bernier, ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, vous autres? Ah, oui, oui. Hey, Jonathan, je dis Edmonton, là, t'es dans l'autobus du Canadien présentement. Vous êtes à quelle hauteur, tu sais-tu, ou... Ben, en fait, je suis pas dans l'autobus du Canadien, je suis dans l'autobus des citoyens. OK, OK. On vient de quitter Edmonton, fait que là, on est sur l'autoroute, là. On commence notre voyage. On devrait arriver à Calgary dans environ 3 heures. Okay. Lorsque tu te fais demander entre Edmonton et Calgary, t'es à quelle hauteur? La seule réponse possible, c'est très bas au niveau de la mer. Tout à fait. Mais là, c'est écrit kilomètre 525, mais je sais pas ce que ça veut dire. Hey, Jonathan, le Canadien a subi une grosse défaite hier. Ouais. Défaite difficile à accepter. Défaite encore, on perd des hommes au combat. Ben, difficile d'accepter certainement parce que c'est le sixième point dans les six derniers matchs que le Canadien perd contre des équipes qui participeront pas aux séries. Puis on sait que ce moment-ci de l'année, ces points-là sont toujours très importants, surtout dans la course dans laquelle le Canadien est impliqué. Je sais que les Rangers ont remporté le match hier, heureusement. Bon, les équipes qui suivent là, connaissent quelques difficultés également, donc ce serait pas trop grave pour l'instant, mais il faudrait pas que ça se poursuive. Oui, un autre défenseur qui est tombé au combat devrait en savoir davantage aujourd'hui sur l'état de James Wisniewski qui a reçu le tir dévié de Taylor Hall sur la joue. On estime qu'il y a peut-être une fracture de l'os de la joue parce que la coupure était assez profonde. Je sais pas si vous avez vu la photo qui circule sur Internet. Ouais, on a vu ça. Ben, j'ai vu ça dans ton article. Aïe, ça, c'est une coupure très profonde, comme on dit dans ce match-là. Oui, mais c'est, il souffre pas. Là, ça a l'air que ça fait juste mal. Tout. Mais, donc, c'est ça. Fait que pour le Canadien, c'est donc un autre sujet qui lui tombe sur la tête. C'est le cinquième défenseur qui tombe au combat dans les deux derniers mois. Donc, on a besoin de relève et de bras à ce niveau-là. On a déjà eu une petite mesure d'urgence avec le rapatriement de Paul Mara hier, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Mesure exceptionnelle ou d'urgence parce qu'on sait très bien que Paul Mara, c'est pas le joueur qui va relancer la brigade défensive du Canadien. Non, mais trouves-tu qu'on est tough avec Paul Mara? Je veux dire, j'écoute des commentaires de tout le monde à gauche et à droite et c'est comme si on avait donné un premier choix pour aller chercher un joueur qui joue Pee-Wee avec le club de Bécancourt. Non, mais c'est ça. Les gens partent un peu en peur parce qu'ils voient ce qui se passe ailleurs dans la Ligue là, avec les transactions dans lesquelles on retrouve des gros noms. Mais là, comme je l'ai dit, c'est une mesure d'urgence simplement. Le Canadien a besoin d'un défenseur rapidement, un défenseur disponible qui pouvait venir les aider dans ce voyage-là sans avoir à lui montrer là, les rouages du système de jeu. Là, Mara est déjà pas mal au courant de comment ça fonctionne. Puis en plus, le fait qu'il n'ait pas joué vraiment à Nîmes cette année, ça fait qu'il n'a pas pris le mauvais pli des Ducks. Oui, avec la saison qu'on connaît chez les Ducks, là, on est présentement... voyons, je vois pas. Classement, Ducks. Anaheim, on est au sixième rang du côté d'Anaheim. Je pensais que c'était pire que ça. Mais c'est tellement serré là du côté de l'Ouest. Une victoire, tu peux monter au troisième rang, puis une défaite, tu descends au onzième rang quasiment. Là, Ben c'est ça, d'une journée à l'autre, disons que ça diffère beaucoup. Puis aussi, pour dans le cas de Paul Mara, à Anaheim, là, il était pratiquement jamais utilisé. Il a disputé seulement deux des 25 derniers matchs de l'équipe. Donc, lui, disons qu'il était pas mal content de sortir de là, puis de revenir à Montréal avec des gars, des joueurs qu'il connaît. Puis, hier soir, on lui a parlé après le match, puis il disait que s'il y avait eu... en fait, on a toujours le choix dans la vie, là, mais c'était une question de business s'il était parti pour Anaheim, puis que dans le meilleur des mondes, il aurait jamais quitté Montréal parce qu'il adorait ça, l'ambiance qu'il y avait dans le Centre Bell, puis avec le parcours que le Canadien a fait dans les séries, là, d'avoir toute la ferveur, puis tout ce qui se passait dans la ville, là, justement, l'ambiance, là, lui, il dit qu'il n'y a rien de comparable ailleurs. Alors, hier, pour le match, mis à part les blessures, qu'est-ce que tu as pensé de la performance au complet du Canadien? Bien, écoute, on les critique souvent depuis pratiquement le début de la saison, mais j'ai trouvé que Scott Gomez et André Costitine avaient disputé un gros match, surtout en première période. Ils ont obtenu les meilleures chances de marquer du Canadien avec Travis Moen qui complète le trio. Donc, de ce côté-là, en tout cas, si ça peut finir peut-être par débloquer puis provoquer quelques buts, ça va aider grandement l'attaque du Canadien. En défense, bon, on est déjà hypothéqué avec les nombreux blessés, mais je trouve que Roman Amerlik hier a connu une soirée difficile, particulièrement en première période. Je pense que ça commence à se faire sentir le fait qu'il est surtaxé avec des temps de glace de 25 à 27 minutes par rencontre. Ouais, et puis il n'y a plus l'âge pour faire ça, là. Du côté d'Amerlik. Il n'y a plus l'âge pour faire ça là, du côté d'Amerlik. Effectivement, à 35 ans, là, ça, il commence à avoir les jambes pesantes un peu. Ce qui semble décourageant du côté du Canadien, c'est que quand on a un trio qui fonctionne, l'autre s'endort. Hier, on a vu justement Gomez, Costitine et Moen ont été probablement le trio le plus intéressant en attaque. Évidemment, il reste toujours le trio de Desharnais là, qui produit un peu aussi ou qui du moins fait quelque chose en zone adverse. Mais du côté de Plekanec, Gianta et Pacioretty, ça a été pas mal plus difficile. ça a été difficile. Puis d'ailleurs, les Canucks, qui est l'homme fiable pour les mises en jeu en compagnie de Jeff Halpern, hier, était directement responsable du premier but en perdant une mise en jeu importante là, en territoire défensif. Donc, ça va prendre un petit, il y a peut-être un petit wake-up de leur côté. Puis peut-être que le match à l'extérieur, le fait qu'ils fassent froid un petit peu, ça va peut-être les réveiller. Ben parlons-en là de ce match à l'extérieur qui va se dérouler dimanche à 18h. Qu'est-ce qu'on annonce comme température? Je sais pas si tu es au courant, là. Qu'est-ce qu'on annonce comme... On annonce des températures quand même pas si mal, là, avoisinant les zéros. Donc, ça devrait être pas trop pire, là, ni trop chaud comme à Pittsburgh, là, où il y a eu de la pluie, ni trop froid comme à Edmonton en 2003, où il avait fait des moins, je pense que c'est moins 30 avec le facteur vent, là. Donc, les gars, c'est les étaient gelés pas mal. J'ai parlé hier avec Pierre Charvel, préposé à l'équipement du Canadien, qui a fait une commande spéciale, si on veut, pour ce match-là. Là, il a amené avec l'équipe, là, il disait là, que pour Edmonton, hier, pendant que l'équipe était à Edmonton, il y avait 15 poches d'équipement, de chandails, de bas, des combines, qui attendaient à l'aéroport, qui n'avaient pas débarqué pour Edmonton, qui s'en allaient directement à Calgary pour le match en plein air. Il me racontait qu'il va y avoir 4 sets de chandails, de chandails de hockey, donc un pour le warm-up, puis un autre pour chacune des périodes, histoire que les gars soient secs en tout temps, en tout cas pour pouvoir débuter les périodes. Puis c'est la même chose aussi avec les combinaisons. Il a amené des combinaisons supplémentaires. Puis il me disait que c'est tellement d'ouvrage pour eux qu'il a même amené du staff supplémentaire pour l'aider dans sa tâche au cours du week-end. Ça, c'est sans compter les bas de laine puis les crémones. Les bas de laine, les crémones, les cagoules. Il n'y aura pas de sucre cette fois parce que apparemment depuis Théodore, là, il y a eu un règlement qui a été passé dans la Ligue là, pour pas qu'il arrive d'accident, là, je sais pas, que la tube tombe sur la glace puis qu'on s'en fâche dedans. La là. Ligue et ses fameux règlements. Hein? Un double échec à 4 pieds de la bande, aucun problème. Frapper l'autre avec son protège-coude, aucun problème. Mais porter une tuque, par contre, c'est dans l'illégalité suprême. On voit que les priorités sont pas nécessairement à la bonne place. Ben, c'est comme un peu dans la NFL où est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes bas exactement que ses coéquipiers va obtenir une amende, va être puni là, pour que tout le monde reste dans le même mode. Là. Donc, ah ouais, faut que tout le monde soit beau pour la télé. Ben oui. Voyons, tu te mets sur ton 36. Exact. Hey, Jonathan, est-ce que tu as un feeling un peu au niveau de comment... C'est quoi le feeling un peu à Calgary par rapport à ça? Je trouve que... je sais pas toi, mais on dirait que je me sens pas totalement interpellé par ce classique héritage-là. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est le premier de l'année, c'est un événement. Là, j'ai juste l'impression qu'on avait déjà pas mal de mayonnaise, puis on a rajouté du ketchup là-dessus sans que ça soit nécessaire. Ouais, ben c'est ça, mais le fait qu'il y en ait plus souvent, c'est une heure maintenant à chaque année, là, on dirait que ça perd peut-être un peu de son effet spécial. Mais Paul Marois, encore, pour revenir à lui avec les Ducks de Anaheim, ils ont fait le même voyage que le Canadien fait cette semaine. Les autres, ils ont fait ça la semaine passée. Okay. Ils disaient qu'à Calgary, ils sentaient déjà l'effervescence de l'événement qui s'en venait. Les gens parlaient beaucoup des préparatifs qui étaient en cours, là, le montage de la patinoire, la disposition des gradins, puis déjà que ça commençait. Et puis il y avait des activités aussi entourant le match, comme une semaine de festivités. Donc, ils disaient que là-bas, là, c'était déjà quand même assez gros, là. Mais ça va être quand même intéressant à voir, là. Je me souviens, en 2003, c'était vraiment spécial parce que c'était du jamais vu. Là, comme tu dis, on en voit de plus en plus, mais j'aimerais ça que la Ligue revienne quand même à une fois par année. Mais j'ai l'impression qu'on en a fait une version canadienne, une version américaine parce qu'on veut que le premier, ça soit absolument aux États-Unis. Ouais, ça, c'est l'affaire, là. C'est la nouvelle fenêtre, là, de la Ligue nationale pour vendre son produit aux États-Unis, le match en plein air, là, qui est le plus écouté de l'année. Et puis, comme il veut, que ce soit exclusif aux États-Unis. Comme Gary Bettman veut que ce soit exclusif aux États-Unis, mais les équipes canadiennes sont un peu en reste là-dedans. Fait que se sont dit, ben, pourquoi pas que nous autres, si on arrête notre classique, notre propre classique. Donc, je ne sais pas si la classique héritage va revenir à toutes les années, mais au moins, en tout cas, ça permet aux équipes canadiennes d'avoir leur petit bonbon aussi. Mais moi, en tout cas, je suis loin de détester ça. Il me semble que Calgary, Edmonton, Vancouver, c'est des villes qui se prêtent si bien à jouer dehors. Vancouver. Ben, ça je sais pas. Il me semble que c'est. Il mouille c'est à mieux, Vancouver. C'est mieux que Pittsburgh, Washington, Buffalo. Je sais pas. Il me semble que c'est plus. Buffalo. Moi, j'aime mieux ça. Buffalo. Okay? Quand même, si tu m'ostinerais jusqu'à demain matin, non, mon goût, moi, est préférable au Canada. Non, mais. C'est juste ça. Tu dis ça parce que tu es un fédéraliste dans l'âme. Tu es vraiment pro-Canada. Donc, Jonathan, toi, ça t'intéresse pas plus qu'il faut, le Classic Héritage. Il me semble que. Moi, je sais pas, en avoir deux par année, trois par année, il me semble que ça serait même bien. Non, moi, j'aime ça, c'est juste comme je dis, quand il y en a plusieurs, c'est juste que ça perd l'intérêt, mais moi, personnellement, j'aime ça aussi, avoir un match à l'extérieur qui rappelle, c'est un peu le cliché qu'on dit maintenant, mais qui rappelle un peu les racines du sport, puis là où les gars qui jouent dans la Ligue nationale aujourd'hui ont commencé dans les cours d'école puis dans les parcs. Mais moi, personnellement, je trouve ça intéressant, puis d'ailleurs, ça va être mon premier, là, où je vais être présent vraiment. Je suis déjà un petit peu énervé comme les joueurs en fait de vivre cette expérience-là. Tu sens que tu vas ramener des photos de là-bas, hein? Sûrement, oui. En fait, j'ai déjà commencé à Edmonton. J'ai essayé de photographier le froid, là. Je pense que j'ai réussi parce que disons qu'on avait la face pas mal rouge sur la photo. Oui, j'ai vu ça. Hey Jonathan, je lisais ton texte dans le Rue Frontenac, tu parlais justement d'une possible classique héritage. Eh bien, est-ce qu'à Montréal, tu crois que ça pourrait être possible? Ben, pourquoi pas au stade McGill, je sais bien que c'est pas 60 000 personnes, mais le stade McGill pourrait sûrement accueillir une classique comme ça serait intéressant avec la vue sur la montagne en arrière, là, on l'a déjà avec les Alouettes, donc avec un match de hockey, ça pourrait être aussi plaisant, ça se rendrait bien, je pense, à nos amis américains. D'un autre côté, y aller pour le stade olympique, ça ferait-tu quelque chose que tu trouves plus grandiose, peut-être plus appréciable? Ben, en fait, je pense qu'on perdrait le feeling du match à l'extérieur. Ouais. Non, mais sans appeler ça classique héritage, je joue dehors, mais tant qu'à avoir un événement grandiose à Montréal, est-ce que tu penches plus vers le stade olympique ou vers l'extérieur, au stade municipal, stade Personal Molson? Moi, je voterais pour le Personal Molson 100 000 à l'heure. On pourrait faire ça direct sur le fleuve? Tu as une belle surface glacée déjà, là. Jonathan. Tu mets du monde sur les deux rives. Écoute, c'est plein. Ça va être bloqué sur le pont. Mais Jonathan parlait justement dans son texte que Larry Brooks voudrait faire pour faire un match au Central Park à New York. Ça pourrait être bien, lui. Lui, il va l'idée à cause du skyline, la ligne de gratte-ciel en arrière là, pourrait donner un beau panorama à l'événement. Ben c'est vrai, quand même, je trouve que c'est une bonne idée, ça. Mais pourquoi pas sur le canal Rideau à Ottawa, dans Gaillac? Écoute, vous faites ça c'est à Saint-Maurice ici, là. C'est à canal Rideau, on n'arrête pas de dire qu'on veut des patinoires plus grandes dans la Ligue nationale, on va être gâtés. Ouais, on va jouer à 7 contre 7. Fait que ta prédiction pour ce match dimanche, Jonathan? Ben écoute, la dernière victoire du Canadien, Edmonton remontait au match à l'extérieur, la première classique héritage. Donc, je vais y aller pour une victoire du Canadien. Il semble être bon quand il joue sur le patinoire dehors. Oups, Jonathan. Oui. OK, on t'avait perdu. OK. Est-ce que tu as des nouvelles pour les blessés Kamal Harry? On parlait d'un peut-être retour. Oui, on va avoir des nouvelles aujourd'hui sur Kamal Harry et Gill qui vont peut-être, comme tu dis, être de retour dimanche. Puis Wisniewski aussi. Parce que du côté de Kamal Harry, on a un peu d'expérience. On avait participé à la classique en 2003 avec du côté du Michigan contre les méchants Spartans. Donc, je pense que s'il y en a un qui va pouvoir vivre ça, c'est bien lui. Oui, chez le Canadien, il y en a quatre qui ont eu l'expérience. Kamal Harry, il y a Wisniewski avec les Blackhawks, Pancheck avec les Sabres, et puis Marker avec le Canadien. Mais là, ça se peut qu'il n'y en ait aucun des quatre. Là, si on n'est pas chanceux. mauvais timing. Eh bien, Jonathan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe une belle journée, amuse-toi du côté des Rocheuses. Bon froid. Okay. Bon froid, okay. Ouais. Salut. Salut. Donc, c'était Jonathan Bernier de Rue Frontenac qui s'est joué à nous ce matin. Chanceux, là, lui, de pouvoir vivre ça, là. Tu sais, ça a beau être du travail, là. Je pense que c'est dans ça, c'est le genre de moment de travail qu'on apprécie. Ouais, exactement. Ouais, ça pourrait pas être plus précis. T'as-tu vu un peu ce que le chandail des Flames de Calgary va avoir l'air pour l'événement? Il est magnifique. Il est laid. Ah, bon, on n'est pas fait pour s'entendre cette semaine. D'habitude, pourtant, on est dedans, puis là. Je suis désolé, là, mais on dirait. Moi, quand je vois ce chandail-là, j'ai juste le goût de dire la chose suivante, m'a de prendre un trio Big Mac. Bon. T'as vu ce qu'il y a de l'air, là? Encore. Mais moi, je le trouve magnifique. Mais non, il est laid, là. D'ailleurs, j'ai googlé Flames Héritage Classique. Ouais, il vient de m'apparaître. Et la sixième, septième photo, c'est Georges Bettman et Ronald McDonald. Ouais, c'est ça que je te dis. Le chandail, pour ceux qui n'ont pas vu le chandail, écoute, selon ce que j'ai lu, le pourquoi le chandail des Flames a l'air de ça, parce qu'on essaie d'aller chercher bon un peu d'historique à travers c'est ça, tout ça. C'est ça, on honore un peu, en fait, là, les anciens chandails des Flames qui étaient dans ce setup de couleurs là, ben, en fait là, le rouge jaune rouge à vrai et dire, puis on change, on met le logo d'aujourd'hui à vrai sur dire, le c'est, sur le devant. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe là, du côté de Calgary, c'est le chandail des Tigers de Calgary. C'est une inspiration de ça, qui était une équipe, écoute, j'ai pas l'information là devant moi, mais qui était une équipe dans les années au début du siècle là, du 20e siècle du côté de Calgary et on était recherché les couleurs. Donc pour vous décrire un petit peu, le chandail est d'un jaune et rouge très très Mickey D's, très McDonald's, avec bon, on a des rayures, il est rouge avec des rayures jaunes, des grosses barres sur à l'horizontale sur les manches, une grosse stripe en plein milieu avec le logo. Fait que, imaginez, elle est de la largeur du logo. On a le logo blanc, on a les pantalons, les pantalons sont beige, très laid, et les bas sont rouges avec des rayures jaunes. Donc c'est pas, en tout cas, toi tu l'aimes, moi j'adore ça. De toute façon, je suis fan d'à peu près tous les vieux, le style vieux chandail. Moi, le chandail du Canadien édition 1942 là, qui est pas celui qu'on va porter lors du prochain match là, mais celui qu'on a porté là à quelques reprises durant l'année du centenaire, je le trouve magnifique. Je sais pas, c'est peut-être un petit côté là de renouer avec mes vieilles cartes de hockey là, puis c'est un peu le look que ça donne. Mais moi, je trouve ça génial. Je trouve que la combinaison de couleurs est très intéressante. Là, c'est sûr qu'on le voit comme ça sur internet là, ça a l'air d'être rouge flash et jaune flash, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus sobre à hauteur de la glace là, un rouge un peu plus bourgogne avec un jaune un peu plus là qui tire peut-être un peu plus sur le brun, là, un jaune dont on aura enlevé l'éclat, disons, avec le logo blanc qui va ressortir au centre. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Puis si tu me dis que les culottes sont beige, j'ai bien hâte de voir là, l'effet que ça va donner. Ben, à vrai dire, c'est que dans un match comme ça, on essaie d'aller chercher un chandail que l'équipe a déjà eu. Le problème du côté de Calgary, c'est que le chandail historique, là, un peu, là, qu'on a porté à l'arrivée des Flames d'Atlanta quand ils sont arrivés à Calgary, on l'utilise depuis l'an dernier. Donc, on s'est retrouvé un peu face à face à un dilemme. Et ça, mais écoute, du côté du Canadien, c'est sûr qu'il y a moins d'options là, du côté du Canadien. Ouais, ils ont pas mal tout été. On a fait le tour pas mal. Donc, on est revenu avec le chandail qu'on a eu dans les années 70 à 95 les environ. Belles années, là, pas le jusqu'à 95 là, mais les 70 à 76. Ouais, ouais, ben c'est à dire que c'est un chandail qui est relativement similaire. Ouais, ouais. Je pense qu'on a mis des cordons. On a mis des cordons dans les coups parce que ça fait vieux, les cordons dans les coups. Et on a été chercher remettre des numéros bleus avec seulement une petite ligne rouge au lieu d'avoir les numéros qu'on a aujourd'hui, donc rien de spécial. J'aime mieux ces initiatives là au niveau des chandails que tout ce qu'on pourrait avoir là au niveau troisième chandail ailleurs dans la Ligue nationale qui font un peu plus là je vais dire new school là, par opposé à old school si on veut là. Je pense entre autres là au chandail des Ducks là qui avait un canard en gardien de but. Il sortait du chandail. Il y avait aussi celui des Rangers là, avec la face de la Statue de la Liberté qui moi je l'aimais. Je le trouvais très beau, lui, comme un peu ceux qui ont. Il est aux teintes un peu de celui qu'ils ont cette année. Leur troisième chandail du côté des Rangers. Ouais, que je trouve très beau. Mais les couleurs sont belles, mais le logo, je le trouvais un peu. Je trouvais ça trop new-yorkais à mon goût. Ben, c'est New York. Ben non, mais je le sais, mais tu comprends pareil ce que je veux dire. Puis un peu aussi les Kings là, cette année, là, que bon, tu jamais mieux la vieille couronne là, que LAK. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, bon. Aux couleurs, c'est les Raiders. On était chercher les couleurs des Raiders. Exactement. Mais pour venir à la classique, on va avoir là du côté, on a plusieurs matchs qui va, dans le fond, il va se dérouler plusieurs choses là, pour ces festivités là. Tout d'abord le Heat d'Abbotsford, qui est comme un, l'Abbotsford c'est situé entre, c'est encore un peu britannique, mais c'est situé entre Calgary, Vancouver. C'est là. Ce côté-ci des Rocheuses. Non, c'est du côté Colombien-Britannique. Ouais, mais la Colombie-Britannique n'est pas séparée en deux par les Rocheuses. Pas vraiment, c'est pas mal ça allait. Ouais. Okay. Ouais. Ben à Banff là à peu près. Là. Ok. Donc le Heat d'Abbotsford va affronter les Barons d'Oklahoma City, c'est-à-dire que le Heat d'Abbotsford c'est club école de Calgary, alors que les Barons c'est le club école des Oilers. Ça va se dérouler au Saddledome, donc l'aréna normale des Flames. Flames. Après ça, il va avoir bon un match d'anciens entre les anciens Flames et les anciens Canadiens le 19 au McMahon Stadium. Mettant en vedette, Benoît Brunet. Benoît Brunet, écoute, il Sergio Momasso, mais là, c'est parce que je regardais le... Craig Ludwig aussi, semble-t-il. Ouais, ben, je regardais l'alignement des Flames, là. Tyron Fleury, Al McInnes, on va encore se faire poivrer. Craig Conroy. Tu sais, Conroy vient de prendre sa retraite. Ouais, la dernière fois aussi qu'on avait fait la Classique Héritage contre Edmonton, on avait des Guy Lafleur et des Larry Robinson sur la glace et eux avaient probablement les joueurs qui, genre, la Wayne Gretzky, Marc Messier. Ouais. On s'était fait poivrer. Oh, ça fait poivrer. Et finalement, pour conclure les festivités, lundi, les Hitmen de Calgary de la Ligue de l'Ouest de Junior vont affronter les Pats de Regina le 21. Donc, au McMahon Stadium, donc ça va être un match à l'extérieur pour deux équipes juniors, ce qui est très le fun, là. C'est le fun pour eux autres là, de voir que tu vas pouvoir, même juniors, tu vas pouvoir jouer dans un match aussi spécial que ça. Abbotsford est situé à même pas 100 km de Vancouver. Ouais, c'est ça, c'est très proche. Tout près. C'est quasiment la barrière. C'est à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ouais, et on a construit une nouvelle arena là, du côté d'Abbotsford, ce qui fait qu'on a maintenant un club de la Ligue américaine de hockey. Construis-le et ils viendront. Ils viendront. Mais spécial quand même qu'on ait construit, qu'on soit installé à Abbotsford du côté des Flames alors qu'on est à 5 km de Vancouver. C'est sûr que du côté de Vancouver, l'alliance avec le Moose du Manitoba est très productive et très solide. Donc, je pense pas qu'on voudrait échanger les clubs-écoles. Mais du coup, d'Abbotsford, je pense que t'as une arena de 5000 places. Là, donc, ça va très bien de ce côté. On va aller une pause au retour. On va parler soccer. Phil va nous faire son résumé de tout ce qui s'est passé du côté du continent européen et quelques nouvelles de l'Impact, j'imagine. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, on se revoit dans 2 minutes. 89. Ah, c'est fou, la rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. C'était Cafard avec la chanson Névrose. Et parlons maintenant foot européen, Phil. Oui, cette semaine, c'était enfin le début de la deuxième ronde, de la ronde des 16, en fait, de la Ligue des Champions. Je ne pouvais plus. Donc, ben, en tout cas, moi, je ne m'en pouvais plus. Alors, à RDS, on nous présentait le match entre l'AC Milan et Tottenham. But, en fait, de Peter Crouch à la 80e minute, donc vers la toute fin du match. Le très longiligne Peter Crouch, en fait, qui est à peu près plus long que le Big Ben, s'est encore servi de sa posture pour mettre Tottenham en avant, 1-0. Donc, AC Milan qui, sur son terrain, se fait surprendre. J'en avais parlé justement la semaine dernière, là, Tottenham qui pouvait justement causer une surprise. Donc, ça va être très intéressant de voir le match retour. Gennaro Gattuso, fait à noter, va manquer le prochain match. Lui qui a un surplus de cartons en poche. Donc, en fait, va rater le match retour contre Tottenham. Donc, Tottenham un peu dans le siège du conducteur, sans nécessairement être à l'aise pour le prochain match. On est bien parti. Oui, on est bien parti. Du côté de Schalke, du côté de Valence, pardon, Valence affrontait Schalke, et match nul de 1-1. Donc, Soldado à la 17e minute a mis Valence en avant, et c'est en milieu de deuxième demi que Raúl González à la 64e a donné a créé l'égalité, pardon, du côté de Schalke. Également fait à noter Lucas Schmitz qui va également rater le prochain match, lui qui a été copé de deux cartons jaunes dont un à la 93e minute, donc beau geste inutile. Deux cartons jaunes, on le sait, entraîne immédiatement un carton rouge. donc expulsé pour également le prochain match. Ensuite, du côté de Londres, Arsenal affrontait Barcelone et Barcelone avait pris les devants 1-0. Malheureusement pour eux, deux buts rapides là d'Arsenal, un de Van Persie à la 78e et un magnifique de Arshavin à la 83e sur une magnifique passe là dans la surface. Donc Arshavin qui a porté Arsenal devant. C'est Villa qui, à la 26e minute, avait marqué du côté de Barcelone. Donc, sans nécessairement causer une surprise, c'était probablement l'affrontement le plus intéressant qu'on avait cette semaine. Évidemment, c'était le seul qui n'était pas télévisé. Donc, Arsenal qui prend les devants chez eux contre Barcelone. Donc, Barcelone qui va avoir du chemin à parcourir, car vainque Arsenal par au moins deux buts à la maison pour l'emporter. Donc du côté de Barcelone, là, plusieurs absents. Par contre, là, on a beaucoup de blessés dans le clan barcelonais. Donc il va falloir composer avec ça. Et dernier affrontement du côté de Rome, l'AS Roma affrontait le Shakhtar Donetsk. Et autre surprise, si on veut, en fait, bon, l'AS Roma qui représente pas nécessairement la puissance qu'elle représentait au début des années 2000 en Italie, mais quand même le Shakhtar Donetsk, là, le club ukrainien qui se qualifie à peu près année après année pour la Ligue des Champions, car sensiblement le seul dans son groupe. 3-2, la victoire du côté du Shakhtar. Et en fait, le Shakhtar menait même 3-1 à un certain moment. C'est du côté du Shakhtar, là, c'est Jadson à la 29e, Douglas Costa à la 36e et Luis Adriano à la 41e. Donc, 3 buts en fin de première demi. Pourtant, la Roma avait marqué un but contre son camp. C'est le défenseur Rat du côté du Shakhtar Donetsk qui avait marqué dans son propre filet à la 28e minute. Mais c'est Menez qui, finalement, à la 61e minute du côté de l'AS Roma, est venu marquer et assurer un peu un répit à l'AS Roma, parce que se faire battre sur son propre terrain, ouais, 3-1, ben... ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu vaincre par la marge de deux buts et plus. Absolument le Shakhtar Donetsk chez eux, parce que bon, en cas d'égalité, si ça avait terminé 3-1, en cas d'égalité, ce sont les buts marqués à l'étranger qui comptent. Donc là, à 3-2, ben un petit répit là pour l'AS Roma qui devra l'emporter simplement, entre guillemets, par deux buts. Donc un match également là qui en fin de partie a brassé un peu quand même. Donc on met la table pour le prochain affrontement, entre autres là, quatre cartons rouges là dans les 20 dernières minutes de jeu. Quatre cartons jaunes, pardon, dans les 20 dernières minutes de jeu. Quatre cartons rouges. Ouais, ça aurait été. Et ça, on a monté dans les estrades, du coup. On s'est frappé avec un patin. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, et la deuxième jambe, la leg 2 de la Ligue des Champions qui va se poursuivre là, lundi et mardi prochain. Les matchs retour. Mardi et mercredi prochain. Non, pas les matchs retour, okay. La deuxième jambe. Okay, on m'écoute pas, hein. Allô? Je sais pas, je suis pas familier avec le terme. En fait, c'est qu'on a 16 équipes. 8 ont joué cette semaine, 8 joueront la semaine prochaine. Et par la suite, on va avoir les matchs retour qui sont un peu plus tard. La deuxième jambe. Leg 1, c'est pas le vrai terme. Je dis, c'est leg 1, leg 2. Ouais, donc, c'est ça. Je connais en anglais, mais en français. C'était là le gag. Donc, c'est une jambe, deux jambes. Ok, là. Tu fais on marche vers. En deuxième partie de tableau. Effectivement, oui. Le côté Nadal, le côté Federer, version soccer. Ouais. Bon! Du côté de l'Impact, on met sous contrat deux joueurs. En effet, selon RDS.ca, l'Impact de Montréal a annoncé la mise sous contrat du défenseur gaucher. Je suis désolé. Zurab Tsikaridze. Attendez, il est écrit ailleurs. Zurab Tsikaridze. Donc, on ne prononce pas le S, très important. Zurab Tsikaridze. Et du milieu de terrain, Luke... Et je vois Albert. Kremlmeyer. Luke Kremlmeyer pour la saison 2011. J'ai vraiment hâte d'entendre des annonceurs de RDS qui, on le sait maintenant, vont diffuser les matchs là, jusqu'en 2015. Là, certains matchs de la MLS jusqu'en 2015. Donc, avoir beaucoup de plaisir avec Zurab et Luke. Tsikaridze, un défenseur américain de 24 ans, originaire de Tbilissi en Géorgie. C'est juste moi qui trouve que la phrase marche pas? Un défenseur américain originaire de Tbilissi en Géorgie. En tout cas, a joué la dernière saison avec les Whitecaps de Vancouver. Bon, il a dû être naturalisé. Là. Non, l'état de la Géorgie? Tbilissi, en Géorgie. Ça se peut, Tbilissi? Non, Tbilissi, c'est la capitale du pays de la Géorgie. OK, bon, c'est correct. Hein? A joué la dernière saison avec les Whitecaps de Vancouver. Hey, c'est probablement la chronique soccer la plus immature qu'on a eue. C'est clairement à cause de Omar qui est avec nous en studio. Omar qui est dans le studio. Ça va bien, mon Omar? Ça va bien, les gars? Ça va bien. Pour une fois qu'on a de la visite... Toi, tu comprends tout ce qu'il dit, là. Moi, je comprends tout ce qu'il dit. Je suis au courant vraiment de ce qui arrive également du soccer du côté de la Coupe des Champions. Puis justement, très belle chronique que tu viens de faire. Merci. C'est un mensonge. C'est simplement par sympathie. Tu sais, il y a des fois, on donne des compliments par pitié. Ben ça, c'en était un. Mais c'est pas de ta faute, là. Omar, tu favorises qui dans la Ligue des Champions? Écoute, sincèrement... Moi, je suis vendu pour le Real Madrid. Bah, voilà. Ben, on est deux. Ouais. Donc, d'après moi, ça va être dur. Écoute, on sait très bien que le Barça, ils sont très, très forts côté technique. Mm-hmm. Écoute, ils ont gagné l'année passée. Ouais. Puis Real Madrid n'aura quand même pas nécessairement un affrontement là, très, très simple. C'est contre l'OM, je crois. Puis l'OM, là, qui quand même va très bien là, dans sa saison, a bien terminé l'année. Donc, ça va être super intéressant. Retourne à l'Impact. Je veux juste arriver avec un sujet. Oh, tu parlais tantôt de RDS et TSN qui ont obtenu les droits de la MLS. Par contre, j'ai l'impression du côté de RDS qu'on pourrait vendre certains matchs à Radio-Canada pour réussir à remplir toute la grille horaire. Parce que quoi, la MLS, c'est 30-35 matchs environ par année. Ouais, dans ces zones-là. On pourrait avoir certaines difficultés une fois que le Canadien va avoir commencé à jouer, à venir remplir toute la grille horaire. Surtout si on demande une diffusion entre parenthèses en prime time. Mm-hmm. Du moins, on peut toujours compenser avec RIS, qui est toujours une option là, du côté d'RDS. Puis en fait, là, du côté de la prochaine saison, parce que ça commence, c'est effectif dès maintenant, du côté de RDS, les matchs, là, entre autres des Whitecaps et du Toronto FC vont être présentés, évidemment pas dans l'entièreté, mais quelques-uns, la question de se faire la main et puis de pratiquer un peu. On va peut-être y aller pour les gros matchs contre les gros noms, contre New York avec Thierry Henry, puis bien sûr le Galaxy, ou est-ce que Beckham... Ouais, bon, toujours? David Beckham, on sait toujours jusqu'à, pas s'il va revenir, ça, là, parce que... Jusqu'à nouvel ordre. Exactement. On retourne à Zurab Tsikaridze, notre Géorgien préféré. En 2010, il a disputé un grand total de 31 matchs, dont 25 sur la formation partante pour un total de 2172 minutes de jeu. Donc quand même un joueur qui joue, qui est capable de parcourir des kilomètres sur un terrain. Il avait fait ses débuts en deuxième division américaine avec le Miami FC en 2009 après avoir porté les couleurs du club français FC7, et pas 7 le chiffre, là, 7 SE accent grave TE. Lors de la saison 2007-2008. Du côté de Kremlmeyer, un milieu de terrain de 28 ans résident dans la région de Saint-Louis, a joué avec différentes équipes en deuxième division américaine au cours de sa carrière. Saint-Louis en France, là? Oui, Saint-Louis, tout près de la... Saint-Hyacinthe, il y a Saint-Hyacinthe. Exactement, c'est tout près de l'Australie, d'ailleurs. En 2010, il a marqué 5 buts en 25 matchs avec l'AC Saint-Louis, donc on le mentionne, joueur australien. Il avait également inscrit 5 buts en 26 matchs avec les Railhawks de la Caroline en 2009, 5 buts en 34 avec les Rhinos, les maudits Rhinos, et 10 buts avec les Timbers de Portland lors des saisons 2006 et 2007. Qu'est-ce qui est arrivé avec les Rhinos? Sont-ils rendus en 3e division? Oui! Ouais, célébrons! Okay, non, mais quelle histoire triste de voir un club comme ça. Non, je veux dire, c'est comme les Nordiques à l'époque. Non, c'est comme voir les Bruins de Boston s'en aller dans la Ligue américaine. C'est génial! Moi, j'adore haïr les équipes. Non, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un sentiment très américain, ça. Hein? Haïr l'autre équipe plus que aimer son équipe. Non, j'aime plus mon équipe. Mais tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi c'est américain? Ben, je sais pas. On a ça du côté. Quoi? Non, on a ça du côté des États-Unis. Souvent, là, on constate qu'on passe plus de temps à détester là, l'équipe qui affronte notre équipe que d'encourager la nôtre. Et tu remarqueras maintenant que je t'ai fait part de ma sainte vérité. Je vais prendre ton conseil. Effectivement. Suis-le. Tu le suis pas assez souvent. C'est pour ça que ta vie est rendue ce qu'elle est d'ailleurs maintenant. Puis mettons que tu finirais ta chronique, ça donne. Ouais, c'est pas mal tout. C'est en effet, là, j'ai terminé. Je pense. Ouais, pas mal sûr. Ça ressemble pas mal à ça. Bye. Alors, ça va amuser, ça va écouter le Real du Petit Minou des Delaware Chuck. Au retour, on parle du hockey en Mauricie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est Fou! Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Et on va maintenant parler de ce qui se déroule du côté du hockey à Mauricie. Tout d'abord, du côté de Shawinigan, les Cataractes qui sont en action. On est du côté des Maritimes cette semaine. On va disputer 4 matchs en l'espace d'environ 6 jours du côté des Cataractes. Sous la pluie. Comment ça? L'an dernier, il y avait un ouragan dans le coin des Maritimes et j'ai dit les Cataractes vont jouer. Et là, on est parti pendant à peu près 30 minutes à se dire non, c'est pas la même place. Puis on avait eu beaucoup de plaisir. Donc, okay, bon, désolé pour cette bulle. Oui, ok, bon. Alors, sur ce commentaire insipide, on continue. Alors, tout d'abord, ils affrontaient les Screaming Eagles du Cap-Breton. C'était mercredi dernier du côté du Centre 200. Quel nom? Le Centre 200 à Cap-Breton, à Sydney. Alors qu'on menait deux... on les attendait pieds très fermes là, du côté des Cataractes parce que lors du dernier match entre les deux équipes du côté du Centre Bionès, on s'était fait planter du côté des Screaming Eagles et on avait joué au tough un peu et on n'avait pas apprécié du côté de Cataractes puis on avait laissé les gros fusils sur la glace, les gros canons et ça de l'autre côté, ça n'avait pas fait plaisir aux joueurs et à Mario Durocher, l'entraîneur des Screaming Eagles. Donc, alors qu'on venait 2-0 là, du côté du Cap-Breton après la première période, Dave Labrec, Justin Haché, Maximilien Le Sieur, Michael Bournival sont venus mettre la marque 4-2 après une période supplémentaire. Donc, c'était maintenant la deuxième venait de se terminer. Et finalement, en troisième, Anton Zlobin a fait son 16e de la saison, les aides de Dave Labrec et Peter Sakaris. Match terminé 5-2, la victoire des Cataractes devant 4801 personnes là, du côté du Centre 200. Bonne foule là, pour une équipe qui va pas super bien. Là. Les étoiles dans ce match, Peter Sakaris a la première étoile, l'ancien Cataract Danny Potvin obtient la deuxième et le gardien de but Alex Dubo, la troisième, on avait mis le gardien de but suppléant là, du côté des du côté des Eagles de Cap-Breton. Hey, je vous parle de Sakaris. Son histoire se continue. 23 points à ses 20 derniers matchs là, du côté des... ses 20 premiers matchs à la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Quelle acquisition au temps des fêtes là, pour les Cataractes, là, Peter Sakaris. Quel joueur, ça va très bien de son côté. Il sera d'une aide primordiale et très, très, très importante là, l'an prochain là, pour l'année ultime là, du côté des Cataractes. Donc, du côté du classement de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec, on est maintenant assuré officiellement là, du côté des... c'est pas les seuls. Là, assuré de faire les séries là, du côté des Cataractes. On est au cinquième rang. On a dépassé Acadie Batters, Gatineau là, et Lewiston. Okay, Lewiston, là, on n'a pas des bonnes séquences là, dernièrement. 5-5, on joue pour 500. Gatineau aussi, ça va pas super bien. 4 victoires, 3 défaites, un match perdu en fusillade et un match perdu en prolongation. 2 en fusillade. Acadie Batters aussi 4-5-1 lors de leurs 10 derniers matchs. Alors que du côté de Drummondville, on est 8 victoires, 2 défaites. Ça va très, très bien. Seulement, bien sûr, les Sea Dogs de St. John's qui sont sur une séquence de 17 victoires et une défaite en fusillade. Donc, 18 matchs sans défaite en temps régulier. Les Sea Dogs sont inarrêtables au premier rang avec 95 points. Suivi du Junior à 86, les Remparts à 83 et le Évolution de Drummondville vient de terminer le carré d'as. Quelle division 80. Pareil hein, de talent quand même cette année, je trouve, dans la ligue de hockey junior majeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement une, deux équipes qu'on voit immédiatement en finale, qu'on voit immédiatement à la Coupe Memorial. On va avoir des très, très bonnes séries. Là. Moi, j'en vois une automatiquement. Puis après ça, ça va se décider entre 4 autres équipes. C'est-à-dire Montréal, Québec, Drummondville et Shawinigan. Mm. Et c'est pas mal ça. Même, les Sea Dogs sont une coche en haut. Et on se souvient, on en avait parlé, qu'on avait volé, on en parlait avec Jonathan Roberge. Du côté des Sea Dogs, il y a 2 ans, on avait volé le repêchage. Certains joueurs qui avaient dit non, on s'en va dans le CAA, non, on s'en va dans le CAA. Finalement, à la dernière seconde, je vais aller jouer à St. John's parce que c'est St. John, puis on s'était arrangé, là, c'était très arrangé. Dont Jonathan Huberdeau, qui devrait sortir quand même facilement, aisément en première ronde pour le prochain repêchage de la Ligue nationale. Et là, c'est pourquoi ça va si bien et que ça va aller encore bien pour plusieurs années là, du côté de Saint-Jean. Philippe-Michael DeVos est toujours le meilleur marqueur de la Ligue avec 93 points. Gabriel Lévesque au deuxième rang à 84, donc DeVos, ça va très bien. Sean Couturier au troisième rang à 83 points. Et finalement, Couturier qui a remonté au classement, on était 7e jusqu'à tout récemment. Là. On a monté là, popé là, du côté de Couturier avec 83 points, 48 matchs. Et justement, Huberdeau vient au 4e rang avec 81 points. 43 points en 48 matchs du côté de Couturier? 83 points, 83 points. Ah, je disais 43 en 48, saison décevante, mais 83 en 48, on est plus, plus dans les normes. Et le meilleur cataracte, c'est Dave Labrecque qui vient au 16e rang avec 63 points, suivi de près un point derrière lui par Benjamin Cazavant qui est tout flamme par les temps qui courent. Je continue en vous parlant de Rouyn-Noranda. Terminer que les Cataractes, ils sont en action ce soir contre les Wildcats de Moncton. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, ils sont en action ce soir contre les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est à 19h30 du côté du centre Marcel Dionne. Et finalement, Victoriaville, on est en action ce soir contre Acadie Batters. Hey, petite nouvelle là, du côté de la fameuse super série Subway entre le Canada et la Russie, dont qui, cette année était plus difficile parce que on avait enfin habillé une vraie équipe là, du côté de la Russie et ça avait été plus difficile. Elle va maintenant se diriger vers Saint-Jean et Drummondville, qui était à Saint-Jean et Drummondville cette année, va se dérouler vers Québec et va s'en aller vers Québec et Chicoutimi l'an prochain. Donc les deux marchés assez près là, on n'aura pas à faire courir les joueurs comme l'an dernier entre Saint-Jean et Drummondville. Donc, hâte de voir combien il va y avoir de monde là, du côté du Colisée. Je ne sais pas si c'est le type de match qui peut attirer autant que ça. Là. On va peut-être trouver un moyen de donner quelques billets avec les billets de saison. Là. Peut-être le mettre dans ce qu'on appelle le package, là, tout l'agencement cadeau là, pour ça. Une autre petite nouvelle là, du côté des Tiques de Victoriaville. On a présenté la candidature, du moins on va soumettre notre candidature pour obtenir le défi des mondiales des moins de 17 ans au cours de la période des fêtes 2012-2013. On a totalement rénové l'aréna là, du côté de Victoriaville. On a fait une job magnifique. Là. C'est très, très beau ce qu'on a réussi à faire avec un aréna qui était plus petit, là, vraiment. Donc, beau travail là, du côté de Victoriaville. La dernière fois que ce défi a été... a été présenté à la taille québécoise. C'était en janvier 94. C'était Amos et Valdor qui avaient reçu le tournoi. Et donc, dans le fond, le défi mondial, là, t'as des équipes de la plupart des pays. Et du côté du Canada, on a des formations de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest et du Pacifique. Alors que du côté des États-Unis, on a une seule formation, mais si je me trompe pas, là, sous toute réserve, c'est la formation, tu le sais, Philippe, là, on a le programme de développement américain, là, où est-ce que, bon, les meilleurs joueurs vont se diriger du côté de Ann Arbor, mm-hmm. au Michigan. Et, bon, la fameuse équipe, c'est, dans le fond, cette formation-là, des moins de 17 ans qu'on va envoyer là-bas. Je pense qu'on a une formation des moins de 17 ans, moins de 18 ans aussi, mais il doit y avoir des joueurs qui doivent s'échanger, là, un petit peu les positions, là. Pas les positions, mais je veux dire, il doit y avoir des joueurs de 16 ans qui sont capables de jouer avec les joueurs de 18 ans, là, logiquement, là. Ouais, genre un peu, là... Bon, dans le civil, on appelle ça un PE, là, le joueur. Ouais, un PE, qui... carrément. Ah, tu veux dire carrément de calibre, là, à suivre la parade. Ouais, peut-être, mais en même temps, il y a peut-être des règlements, justement, pour restreindre l'exclusivité aux joueurs de 18 ans, de 17 ans. Mais bon, j'en ai aucune idée, là. Mais en même temps, c'est moins de 18 ans, forcément, 16 ans, c'est en bas de 18, là, donc la logique voudrait que tu peux jouer. Si t'es non, mais ouais, c'est ça, mais je veux dire, je sais pas quel type d'équipe on va envoyer. En tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est le fameux programme de développement américain qui est sur la coche. Et je reste dans le monde des Tiques de Victoriaville. Hier soir, ils étaient en action contre Moncton, l'équipe que les Cataractes vont affronter ce soir. Défaite de Moncton, une dégelée 7-1, la victoire des Tiques de Victoriaville. Dans la victoire, on peut parler entre autres de Samuel Groulx, le défenseur qui a récolté, je te dis ça dans deux secondes, Samuel Groulx, 2 buts, 2 passes pour le défenseur. Brandon Hines, 1 but, 2 passes. Yannick Gourde, 2 points aussi, 1 but, 1 passe. Donc, très bonne performance. D'ailleurs, les étoiles dans ce match, Groulx, David Hanzik, le gardien des Tigres de Victoriaville, qui a arrêté 27 des 28 tirs des Wildcats. Et finalement, Marek Hervik du côté de Moncton. OK, 7-1, puis il y a un joueur de Moncton qui a une étoile. Ouais, ça. Hein, c'est les joies de la... Les joies du sport, on sait jamais. Hein, des fois, des choses comme ça qui arrivent. Ce genre de match-là, là, pour une équipe comme Victo, là, c'est bénéfique. Et en même temps, à l'opposé, pour une équipe comme Moncton, c'est dévastateur. Parce que non seulement tu te fais laver à l'offensive, mais en plus, tu réussis quand même à diriger 28 tirs sur le filet, puis le gardien fait les arrêts, 27 en 28. Donc vraiment, là, du côté de Victo, tu peux bâtir à partir de ça, forcément. Là, c'est que tout a bien été, tant à l'offensive qu'à la défensive. Oui. Et donc, c'est ce qui conclut pour le monde du junior majeur. On va maintenant parler du reste du hockey en Mauricie, c'est-à-dire les équipes locales de Trois-Rivières. Tout d'abord, du côté du Collège de la Flèche, on est en action ce soir à 19h45 du côté du pavillon Claude Mongrain. André Laurendeau, le cégep d'André Laurendeau, plutôt, se pointe ici à la Flèche. Du côté du Coron-Aiguille, on est en action ce soir. Trois-Rivières va être à Thetford Mines. C'est à 8h30 du côté du centre Mario Gosselin. Dans la roche, dans l'amiante. Et les deux équipes vont s'affronter encore ce dimanche. Cette fois-ci, ce sera à Trois-Rivières. On a-tu le temps de parler un petit peu de... On va en parler au retour de la pause. Parlons-en au retour de la pause. Belle petite nouvelle ce matin. Ouais, on va regarder ça, on va analyser tout. Donc, au retour de la pause, on va vous parler de certains possibles développements qui pourraient avoir lieu là dans le giron d'UQTR, dans le cap, c'est tout ça. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ordres de C'est fou. Et n'hésitez pas à nous écrire. On aime ça, vous voulez. Live à commercial, inconduitedepartie.com. Notre site web, enlevez le live à commercial, puis rajoutez 3W, vous allez accéder à notre portail. On paye nos billes, puis on revient dans 2 minutes. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chroniques, opinions et beaucoup plus. Tout d'abord dans la LHJMQ, les Tiques de Victoriaville amorcent une série de 4 matchs à l'étranger en affrontant les Wildcats hier soir à Moncton. Leur voyage a donc commencé avec un gain de 7-1. David Hanzik a effectué 27 arrêts pour aider les Tigres à l'emporter. À Lewiston, le junior de Montréal l'emporte 4-3 face aux Maniacs. Le junior tirait de l'arrière 3-1 à mi-chemin au second tiers avant de renverser la vapeur. Louis Leblanc a donné le ton alors que Nicolas Chouinard et Jérémy Gucci l'ont imité en déjouant le gardien André Marakov, qui a fait face à 38 lancés. Du côté de Gatineau, les Olympiques l'emportent 2-1 sur le junior

30 Seconds to Mars avec la chanson This is War. C'est le club de, c'est le groupe de musique de Jared Leto, c'est ça? Je sais pas. Ouais, Jared Leto, acteur hollywoodien qui a joué entre autres dans Retour à Brooklyn. Je ne sais pas. Ce que tu me disais, c'est les cheveux longs avec les yeux bleus, là. Ce que tu me disais, c'est que tu trouvais ça très pas bon, puis là, tu m'arrives avec une tache. Non, ben écoute, même. Je savais pas que c'était 30 Seconds to Mars. Généralement, 30 Seconds to Mars, je déteste pas. Mais là, celle-là, c'est que je la trouvais très longue et, disons, monocorde. Écoute, je regarde là, présentement non, dans le derrière, télé, là, Jared Leto, hein? Félicitations. Bravo. Allons-y là, avec une petite nouvelle qu'on peut lire dans le Nouvelliste de ce matin de la plume de Mathieu Lamotte, qui rapporte comme quoi que les Patriotes, pas les Patriotes, mais du moins, on planche sur deux nouveaux plateaux sportifs du côté de l'UQTR qui seraient faits en collaboration avec la ville. On parlerait d'agrandir la piscine, ou du moins, on construirait un nouveau bassin carrément à côté, parce que de toute façon, une piscine qui serait gigantesque, c'est pas tout le temps winner pour les compétitions. Non, ben en fait, on sait, avec la vague là, et les retours de vague, mieux vaut un bassin plus petit, plus restreint, justement, pour les compétitions. D'ailleurs, on parle d'un bassin de 25 mètres à 10 couloirs. Donc, quand même, là, 25 mètres, c'est un peu la moitié de ce qu'on a présentement. Oui, effectivement. C'est ça. Ben, du moins, on a... Ce qui est avec la piscine, présentement, qui est à l'UQTR, au CAPS, elle est comme séparée en deux par une passerelle. Ce qui fait que, oui, c'est une piscine de type olympique, mais trop petite. T'sais, ben, elle séparée en deux. J'imagine que s'il y aurait compétition internationale, quelque chose comme ça. Ouais, si, oui, s'il y avait. Non, c'est pas grave. Oui, c'est correct. s'il y avait compétition internationale, on enlèverait la passerelle, mais pour les compétitions universitaires et tout ça, on laisse la passerelle qui doit pas être très facile à déplacer. Non, en effet. D'ailleurs, là, la piscine actuelle est utilisée à 100%, donc ça ferait pas de temps nécessairement d'avoir une autre piscine. Je pense qu'on pourrait développer, par contre, un plongeon de 10 mètres. Ah, ça pourrait être très intéressant. Mais je sais que dans le cas de la ville, on veut également là, augmenter là, puis avoir bonifier l'offre en fait là, pour les gens de la ville aussi, pour les citoyens, donc en fait là, un parc, un genre de parc aquatique, des jeux d'eau aussi pour attirer les enfants à l'intérieur des murs du CAP, ce qui pourrait pas être une mauvaise idée en fait là, parce que bon évidemment ça donne de l'argent au CAP, puis ça donne de la visibilité à l'UQTR aussi là dès le plus jeune âge, donc si on a de quoi d'intéressant qui s'en vient là-dessus, ça pourrait pas être une mauvaise idée. Cependant, ça ferait monter le budget de l'investissement à 20 millions de dollars. Ce qui est quand même assez énorme là. Du côté du vice-recteur, on a dit que ça nous dérangeait pas puis qu'on aimait bien l'idée de l'association avec la ville, surtout que ça nous permettait d'aller chercher des subventions au niveau du gouvernement. Ouais. 20 millions. Écoute, je vois pas comment on peut mettre 20 millions dans une piscine et puis après ça se demander si on fait une aréna ou pas. Ouais, parce que là, c'est la deuxième partie de la nouvelle. Là, le projet est moins avancé que pour ce qui est de la piscine. Mais on parlerait de toute façon, à Trois-Rivières, il y a un manque de patinoires, c'est connu. Ouais. Ceux qui sont là présentement ne sont pas dans un très bon état pour sûr, mais pour les ligues de garage, ça change pas énormément. Et on viendrait avec la ville construire un nouvel aréna. Ce qui est cool, depuis le temps qu'on demande une nouvelle aréna aux couleurs des Patriotes, où est-ce qu'on se sentirait à domicile. Seul problème, on construit l'aréna à Trois-Rivières-Ouest à côté de Jérôme Côte-Noir. Ce qui est en soi une erreur, selon moi. Du côté du vice-recteur, encore une fois, là, je cite, là, nous n'avons pas encore regardé dans quel secteur précisément, mais je sais que la ville a exprimé le souhait que ce soit dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Nous, ça ne nous dérange pas. L'important, c'est que l'aréna se développe en commun avec notre équipe des Patriotes. Nous ne voulons pas avoir un aréna de 1500 ou 2000 places avec 150 personnes dedans. Du côté là de ce qu'affirme le vice-recteur, je suis obligé de me placer en désaccord. Si tu vas installer une aréna à Trois-Rivières-Ouest, c'est évident que tu vas avoir 150 personnes dedans. Oui, puis ça donne rien. Exactement, ça donne absolument rien. On a déjà quand même une aréna avec l'aréna Jérôme Côte-Noir à Trois-Rivières-Ouest. Il y en a également une autre là dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest là qui le nom m'échappe. Ça se peut-tu Gilles Bourassa? Non, pas Gilles Bourassa, c'est à Shawinigan. Continue, je vais faire mes recherches. Bref, et je vois pas pourquoi encore Trois-Rivières-Ouest profiterait d'une aréna, alors qu'ici, en plein centre-ville, là, faut pas se cacher, là, l'UQTR est dans le deuxième centre névralgique de Trois-Rivières, là, si on enlève le vieux Trois-Rivières, le centre-ville, des Forges, des Récollets, je veux dire, mettre une aréna là, tu vas forcément en avoir des gens. Et puis ça fait également une belle visibilité pour le campus, là, directement, si on construit de quoi qu'il y a de l'allure. Je pense que l'aréna que tu penses, c'est l'aréna Fernand-Asselin. Non, Fernand-Asselin, elle est dans le coin des Chenaux. Écoute, selon la ville de Trois-Rivières, non. Seulement Arena Jérôme Côte-Noir, le Colisée de Trois-Rivières, l'Arena Jean-Guy Talbot, le Colisée Mongrain, bien sûr, et le Centre sportif Alphonse Desjardins qui parce sont que, sur le l'Arena territoire. L'Arena Fernand Asselin est située entre des Chenaux et des Récollets, des Forges là, dans ce coin-là. Ce qui arrive avec l'Arena Fernand Asselin, c'est que c'est un aréna qui est privé. Ah, OK. C'est, la ville n'a rien à voir là-dedans. C'est un aréna qui est privé. C'est géré par juste une famille là, okay. qui ont fait ça. Qui ont, selon ce que j'avais lu à l'époque, c'était une école qui était située là, ou du moins, il y avait un gymnase, quelque chose. Et on a réutilisé une partie de la structure pour venir compléter l'aréna. Okay. Donc, tout avec des fonds privés. Je sais qu'il y a du hockey libre, des choses comme ça. Mais, gars, ça donnerait quoi à l'université... au programme absolument sportif rien. D'investir dans un aréna s'il n'est pas sur le campus. Absolument. Et on va continuer à jouer. Et là, on parle d'un aréna qui permettrait de bonifier énormément la visibilité de l'UQTR, puis en même temps, la capacité d'attirer des athlètes au sein de l'UQTR. Vraiment, là, une université sur le campus, on commence à ressembler à quelque chose qui a beaucoup plus d'allure. Puis si on veut se servir du CAPS comme justement un aimant pour les étudiants, entre autres en santé, puis en éducation physique, ben l'aréna sur le campus, selon moi, est un prérequis. Puis tu ne parles toujours pas du fameux pavillon étudiant que, selon moi, on ne verra jamais. Mais au moins, donne-nous ce bonbon-là. Ouais. Tu sais, fais au moins honneur à tes étudiants, puis fais là, ça sur le campus. Puis laisse-moi faire le bac vert là, qui va broyer parce qu'il va avoir 25 arbres à terre. Là, t'en mettras 25 autres ailleurs, OK? Là, à un moment donné, c'est ça. Ouais, ça développement, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Puis, parce qu'il y a de l'espace là, sur le campus là, quand même. Là. C'est bien beau les petits bois, là, mais côté rentabilité, là, c'est pas ce qu'il y a de ça meilleur. Ça n'est pas là. Du tout. Et au pire, va en bas, dans le coin du Michel Sarrazin, là, où on a un grand parc là, complètement désert. Ça serait génial parce que les résidences sont dans cette côte-là. Effectivement. Ils sont toutes là, donc pour envoyer par. Mais ce qui pourrait être le fun, c'est que tu pourrais avoir à partir de là des ligues intramurales qui se créent. C'était exactement comme ça, moi, quand j'allais à l'Université de Sherbrooke. Par contre, l'aréna n'est pas sur le campus, mais il y avait des ligues intramurales. Moi, j'étais en histoire. Histoire affrontait BES, affrontait on affrontait médecine. Ces gars-là sortent pas souvent. Quand ils sortent, ça tombait agressif assez rapidement. On m'appelle le chirurgien. Ouais, c'est ça, c'était carrément comme ça. Et vraiment, mais si t'es pas bâtir un aréna, ça se doit d'être sur le campus, sinon on va pas mettre d'argent là-dedans. Qu'est-ce absolument que ça donne? C'est ça. Qu'est-ce que ça va donner? À ce moment-là, c'est que la façon dont je vois ça, et là, je fabule complètement, là, j'y vais tout simplement de mes propres observations, c'est que du côté de la ville, on va offrir un certain montant d'argent à l'université pour bâtir une autre piscine dont on a besoin. En contrepartie, du côté de l'université, on va fournir de l'argent à la ville pour bâtir un aréna dans la ville, parce que la ville en a besoin. Ouais, c'est ça, mais ça a aucun sens. Mets tout ça dans le même paquet, puis mets ça à l'UQTR. De toute façon, tant qu'à pas avoir de résultats, ou tant qu'à ça, qu'on aille jouer à Jérôme Côte-Noir. C'est des projets depuis longtemps. Là, de toute façon. Je veux dire, si on veut se positionner comme étant une des meilleures universités du réseau Université du Québec, derrière l'UQAM, ça prend ce genre d'installation, ce genre de développement. Ce genre de visibilité. C'est ça. Mais les universités du Québec, on en a parlé, c'est loin d'être centré sur le sport, puis c'est loin d'avoir des structures sportives qui marchent. Quand les Patriotes hockey sont apparus dans le monde du hockey universitaire, c'était une première au niveau de des universités du Québec. On a misé à l'époque justement sur la puissance du sport pour attirer des gens à l'UQTR et ça a fonctionné. Mais le football aussi qui est arrivé dans les mêmes années. Exactement, et ça a fonctionné. Par contre, là, de ce temps-ci, on laisse le sport aller, on abandonne un peu le projet. Puis, ben, moi, je trouve que là, on a une belle opportunité de poursuivre sur cette lancée-là. Ben, ou du moins, pas qu'on abandonne le projet, on y donne pas un second regard. Au lieu de continuer. Là, les Patriotes ont donné un petit coup, là, mais la pente à remonter est immense. Écoute, on va laisser le bénéfice du doute, là. Pour l'instant, c'est un projet qui est encore. C'est ça, embryonnaire. Donc, il est fort possible que du côté de l'université, on demande à ce que l'aréna soit bâti sur le campus. Mais d'entendre le vice-recteur dire que ça lui dérange pas que ça s'en aille à Trois-Rivières-Ouest, moi, je trouve ça très décevant. Oui, je suis très d'accord. Et on va changer de sujet. On va parler d'une infrastructure à une autre. Tout d'abord, on va revenir à la Ligue nationale. Petit échange là, qui vient d'être confirmé là, du côté de la Ligue nationale. Craig Anderson va se diriger du côté des Sénateurs d'Ottawa en retour de Brian Elliott. Un échange de gardien. Et surpris par contre Anderson qui avait vraiment dominé l'an dernier ben là, oui. du côté des séries. T'avais été très bon. On s'en débarrasse là, du côté du Colorado. Donc, c'est intéressant. Peut-être qu'Ottawa va enfin avoir un gardien de but potable là, pour les prochaines années. Mais en effet, oui, c'est quand même surprenant là, du côté de Colorado là, qui se départit quand même d'un bon gardien. fait pas payer cher là, du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, je parlais d'infrastructure, on va s'en aller. Ah, écoute, il reste pas beaucoup de temps. Juste rapidement, là, juste en glisser un mot. Semble-t-il que Bell serait intéressé à entrer dans la danse là, pour le Colisée de Québec, l'amphithéâtre de Québec, et aimerait peut-être damer le pion à Vidéotron. On sait, là, ça se dirige vers un gros combat entre les deux compagnies pour le contrôle du territoire québécois. Et du côté de Bell, le problème, c'est je ne sais pas si Bell a droit d'être actionnaire dans deux clubs. Parce que là, Bell est propriétaire... Attends, tu sautes des étapes, là. Que Bell soit actionnaire du Colisée de Québec et que Bell soit actionnaire du Centre Bell, ça fait pas que Bell d'un actionnaire dans deux clubs. Ils sont pas revenus nordiques encore. Et non, Colisée mais Bell, moi, je te trouve bonne. Moi je te parle en fonction de si mettons club de hockey de la Ligue nationale il revient à Québec. Mm-hmm. Est-ce que Bell, pour reprendre un peu, est-ce qu'ils peuvent avoir des parts dans les deux équipes? C'est pas ça le jeu que Bell joue. Je vais t'amener à quelque part là. OK? Admettons-le, mets-toi là à la place, là, le Bell vient investir avec 3-4 autres partenaires, ramène un club, ramène à Clatter, les Trashers de Québec là, qui sont de retour. Là. Est-ce qu'on peut arriver après ça? Parce qu'on parle aussi que Bell serait intéressé à acheter la station V. Mm-hmm. OK? Pour vraiment avoir une TV généraliste qui pourrait venir faire un clash avec TVA. Est-ce qu'on pourrait avoir les matchs des Nordiques sur Bell, sur TQS? Et sur RDS, parce qu'RDS est des propriétés de Bell, en plus des matchs du Canadien. Moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas. C'est pas le premier consortium qui posséderait plus qu'une équipe de sport. C'est ça, je sais pas si c'est la première fois au sein d'une même association sportive. Faudrait voir. Mais selon moi, là, on spécule un peu pour rien parce que ce que Bell veut faire, c'est assurément faire en sorte que Vidéotron paye plus cher. Je veux dire, c'est là le débat. Ouais, c'est là la stratégie derrière tout ça pour Bell. Et c'est Régis qui va être content parce que l'offre de Québécois pour s'impliquer dans le projet et avoir un peu, comment dire, le monopole de pouvoir amener une équipe à Québec. C'est présentement c'était Vidéotron jusqu'à tout récemment et là avec Bell qui s'en vient on va renchérir. Il y a rien qui prouve là, qu'on se retrouvera pas avec une offre très intéressante qui va faire que Québec aura peut-être pas payé tant que ça pour le Colisée. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour tout ça il faut que ça se produise, il faut que ça arrive, il faut que ça développe, c'est sûr qu'on parle avec des si, mais si justement, ou pas si, il va y avoir une guerre médiatique assez solide entre les deux consortiums, entre les deux... C'est la reprise de la fameuse guerre des brasseries, Molson-Labatt, qui maintenant va être une guerre. Faut pas se tromper, Rogers est pas loin d'essayer de venir damer le pion non plus. On sait Rogers qui possède les Canucks, les Leafs aussi. Rogers n'est pas propriétaire des Leafs aussi, ce qui répondrait à notre question. Semble que non. Notre question de débat, en tout cas. C'est Maple Leaf Sports and Entertainment, mais je sais pas qui est. Vérifie ça si ça te dérange pas. Mais donc, c'est vraiment au niveau des télécommunications maintenant que se fait le combat de la possession des équipes sportives, parce qu'on a évidemment compris que le sport est un excellent vecteur de vente au niveau des télécommunications. Puis on le voit dans tous les niveaux du sport, que ce soit là en fait là, même au football, au basketball, au baseball et même au hockey, la plupart des propriétaires sont des actionnaires de télécommunications. OK, les propriétaires de Maple Leaf Sports and Entertainment à 66%, c'est c'est Teachers qui est le plan de pension des professeurs de l'Ontario qui sont propriétaires des Maple Leafs de Toronto à 66%. 66% plutôt. Kilmer Sports Inc., que je connais pas nécessairement, propriétaire à 20,5%, et TD Capital à 13,5%. Par contre, en effet, le 1er décembre 2010, Rogers a essayé de racheter les parts de Teachers dans les Maple Leafs. Donc, mais on s'entend que Maple Leafs Sports and Entertainment, c'est pas juste les Maple Leafs, c'est les Raptors, c'est le Toronto FC, c'est les Marlies, c'est l'Académie, c'est le Air Canada Center, Leafs TV, NBA TV, Gold TV. C'est énorme. C'est le BMO Field, c'est le Rico Coliseum. Écoute, c'est un consortium incroyable là, comme de possession sportive et tout ça. Ce que tu peux faire avec ça... C'est gigantesque là. Toutes les possibilités sont ouvertes là, quand tu possèdes à la fois à peu près tous les clubs de sport de la région, tu possèdes les instruments de diffusion, puis tu possèdes en plus les amphithéâtres dans lesquels ils évoluent. écoute, il y a de quoi prendre sa retraite jeune là, au niveau des professeurs. Là. Ouais. Ben c'est tout dépendant comment ça marche là. Ouais, ouais, mais c'est ça, on devrait c'est difficile d'échapper de manquer ton coup avec toute cette sauf qu'en même temps, on voit qu'est-ce que ça donne au niveau de la direction des Maple Leafs qui est tout croche. Ah, tu peux perdre depuis 1967 et avoir un stade plein pareil. Non, mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement bureaucratique et tellement de tu sais Richard Purdy que tout le monde haït à peu près à Toronto donc tout est tout croche et égal la reconstruction là qui ne se fait tout simplement pas là du côté de Toronto. Mais je suis curieux de voir, j'ai hâte de voir le combat qui va se livrer entre les deux compagnies. Si Bell réussit à damer le pion à Vidéotron, on va parler d'un monopole au point de vue hockey au Québec. Ah oui. TQS va avoir du hockey, j'ai hâte là. J'ai hâte de revoir avec le sou de bleu poudre. Non, c'était à Radio-Canada, la soirée du comment, hockey. Comment ils s'appelaient les descripteurs? J'ai un blanc là, sur les descripteurs. Mais imagine les matchs des Nordiques à c'est André quelque chose là. André Beauchesne, ça c'est à Trois-Rivières. Il fait chasse et pêche à cette RDS. Je ne te niaise pas. Et donc on va pouvoir voir ça et on va pouvoir vraiment avoir des matchs à TQS, des matchs mettons RDS la plupart du temps, sauf le samedi qui sera à TQS et les soirs où est-ce que les matchs du Canadien sont disputés le même soir, d'autres matchs à TQS, ça leur permet. Il y avait pas Pierre Rinfret qui faisait ça également? Non, Pierre Rinfret était assez cassé. Ah, ben il a pas fait de télé Pierre Rinfret? Pas à ma connaissance, d'accord. Mais je suis pas l'expert. D'accord. Tu penses peut-être à Richard Garneau? Non. Dans le temps, il y avait du hockey à TVA. Richard Garneau, c'est pas un skieur? Non, t'es pas un patineur de vitesse, Richard. Richard Garneau a décrit les Olympiques pendant longtemps, là, Richard Garneau. Là. Ouais, ouais. C'est Richard Garneau et Pierre Rinfret, ils se ressemblent même pas. Non, Richard Garneau faisait le hockey à TVA. Ah, oui, d'accord. Là, j'arrive. C'est pas grave. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Oui, c'est ça. Si tu veux le voir de même, ça me dérange pas. Hey, petite rumeur avant de terminer là, on me dit aussi, écoute, c'est la période des échanges, à la fois des échanges. On devrait avoir une émission, là, on va donner un petit coup là-dessus là, bien prochainement. On parle que Thomas Caberlé serait à la limite de devenir un Bruins de Boston. Il se dirigerait vers Boston contre Joe Colborne et le premier choix des Maple Leafs de Toronto qu'on va donner. Qui est le premier choix des Bruins? Les Bruins sont propriétaires du choix de Toronto et en referaient l'acquisition. Tu vois, moi, là, ça, c'est le genre de transaction que je ne comprends pas. Ah, si non. Ça se produit exactement... Ben, bon, dans le cas de Phil Kessel, là, c'est un peu plus complexe. Là, on est un peu allé le voler du côté des Leafs. On l'a signé comme joueur autonome avec compensation, donc obligé de donner. Mais le genre de transaction où tu échanges un joueur important contre une équipe dans ta division, je comprends pas. Ben, je pense que c'est la seule place où il y a des offres intéressantes qui viennent. Ouais, mais écoute, il peut venir te faire mal longtemps. Ah, ouais, mais gars. Joe Colborne, là, de son côté, c'est un prospect là, des Bruins de Boston. Il évolue présentement avec Providence. C'est le 16e choix au total en 2008. 26 points en 55 matchs là, du côté de Colborne. C'est pas si c'est cher à payer pour. C'est selon le. C'est, non, en effet. Mais qui a ralenti aussi. Bah oui. C'est selon le Boston Globe, là. Ça, là, c'est pas moi qui invente ça, là. Parce que j'ai pas le goût d'inventer des rumeurs. Hey, on s'en va en musique. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine déjà. Ça va vite, hein? On a du plaisir. Joignez-vous avec nous lundi prochain. On va parler des Patriotes. La première série va être terminée. On espère qu'on va l'emporter du côté des représentants de l'UQTR. Et c'est pas mal ça. C'est ce qui conclut. Merci d'avoir été nous. L'émission sera rediffusée sur inconduitedeparti.com. Pour Philippe Doucet, je suis Nicolas Duchamp. Bonne semaine. Bonne fin de semaine.